Une pelote de cuir va et vient, hésitante, sur ce tapis végétal verdoyant que mire une foule scintillante, d'où s'échappe un vacarme qui n'est que pure énergie, et dont se nourrit une poignée d'Apollon qui, en une lutte fratricide, ne cesse de dévier cette pelote du chemin que semble lui avoir tracé sa destinée. C'est quoi ce commentateur ? Il connaît même pas le nom des équipes, là ! L'un la taquine du pied, l'autre sa coquine de l'œil. On sait même pas qui c'est qu'à la balle ! Et Manon Malon, bon pied, bon œil, la dérobe. Carton jaune, là ! Au nez jaune et à la barbe du pauvre diable dépossédé. Il connaît pas le nom des joueurs, mais c'est quoi ça ? Notre nouveau héros file une horde de ses semblables lancés à ses trousses. Certains à la rescousse, d'autres lui filent la frousse, lui filent le train, en une course sans frein, telle une meute de chiens. J'en ai marre là ! Oh ! Il sort d'où ce c'est gars ? C'est maintenant le face-à-face, le duel, ah, c'est vraiment la dernière fois que je regarde ! Masse. Ça m'énerve ! Le bel Apollon se tient droit et fier, face au Cerbère, puis propulse la pelote de cuir. En enfer. C'est quoi ce hors-jeu là ? Il n'a pas vu le hors-jeu ? C'est quoi ce commentateur ?